Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantasticast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Roman, comment ça va? Ça va bien, ça va mieux que toi, j'ai l'impression, pour cet épisode. Oui, on arrive là, on arrive dans la Twilight Zone, ça va être le moment un peu compliqué. J'ai revêtu, j'ai mis mon armure, je suis armé jusqu'aux dents. Roman, pitch-nous Jack Frost. Jack Frost, alors ça nous parle d'un Père Noël, tu as un Père Oula, n'importe quoi. Oui, tu vas bien loin. Oui, j'ai toujours le film d'avant en tête. Trop de Père Noël tueur jusque-là, ouais. Non, c'est un bonhomme de neige. Là, ça nous parle d'un tueur en série. Sachant qu'on parle de la duologie des films, on fait les deux en un parce qu'il faut pas déconner. Allez, ça nous parle d'un tueur en série prénommé Jack Frost, et qui, lors de son transfert en prison, va se faire gicler dessus par des produits chimiques. Asperger de produits expérimentaux. Voilà. Qui fait que son ADN va se mélanger à la neige et va donc devenir un bonhomme de neige tueur. Et un bonhomme de neige moche. Oui. Mal fait. Alors, comment dire Jack Frost? C'est... Bon, je vais commencer par raconter l'anecdote que je t'ai donnée. J'ai vu les deux en back-to-back parce que ouais, on fait l'intégrale ici. Ouh. Et j'ai fini les deux, j'ai été triste. En fait, j'ai, on va dire... Depuis quelques temps, j'ai un rapport à mon temps et au temps que je donne au film qui est je vais pas dire violent, mais qui est très fort, on va dire. Donc, lorsqu'un film est mauvais, j'ai tendance, et tu peux témoigner, on fait régulièrement des séances ensemble, j'ai tendance à le recevoir de façon généralement extrêmement agressive. Et. Enfin, lorsque ce film est vraiment mauvais, j'entends, je ne m'énerve pas pour rien non plus. Mais, lorsque j'ai fini Jack Frost, j'étais juste triste et juste j'étais. Ouais, atterré de me dire que de l'argent avait été mis dans ce truc-là, mais j'étais rassuré sur un élément, c'est qu'en cherchant des avis sur Internet pour me sentir moins seul, globalement le 1 peut plaire, le 1 peut convaincre, et je l'entends pourquoi pas, moi-même. Le 1 est à peine en dessous de la moyenne sur Letterboxd. Le 1, j'ai lâché quelques sourires, peut-être, mais le 2 m'a vraiment, mais détruit. Mais le 2, c'était pas possible. Il y a une scène drôle, et encore. Mais enfin, j'ai trouvé. Le 2 m'a détruit. En cherchant sur Internet, globalement, tout le monde disait qu'est-ce que c'est que cette merde. Donc, je me sentais accompagné de mes frères, de mes camarades soldats dans cette expérience. Mais je suis à peu près sûr que toi, ça te parle. Cet humour et cet esprit saucisse, bière, bonhomme de neige. Ah, c'est ça, c'est de l'humour bien beau, fait gras, comme moi. C'est peu dire, hein. Un film est d'une vulgarité. Ouais, alors clairement, je vais pas défendre le film bec et ongles, là, c'est pas... Je vais pas vous faire croire que c'est le Citizen Kane de la comédie d'horreur. On peut dire que l'affiche ment. Oui. L'affiche ment parce que l'affiche vend un bonhomme de neige trop cool avec des dents et tout, c'est pas ça. Il en a à la fin. Ok, alors ouais, et encore, c'est pas l'affiche, hein, parce que dans le fait, c'est vraiment juste une fat suit cosplay bonhomme de neige. Le costume, alors, il n'est pas crédible. L'affiche Letterboxd, c'est un artwork fait pour l'édition Blu-ray de Haro. C'est pas l'affiche originale. D'accord, bah, l'affiche du 2 ment quand même, parce que oui. Pour le coup... Voilà. Mais donc, je te laisse raconter sur le 1, et surtout pitcher le 2 derrière, parce que le pitch du 2... mon dieu. Alors du coup, le 1, on va suivre du coup le flic... qui avait interpellé Jack Frost, et où Jack Frost avait juré qu'il se vengerait. Ça marche comme ça à chaque fois. Si vous arrêtez un mec, si vous êtes flic, que vous arrêtez quelqu'un et qu'il dit qu'il va se venger, tuez-le directement. C'est faux, ne faites pas ça. C'est qui jure qu'il va se venger, prenez vos précautions. Ça... On a vu plein de films nous prévenir, faites attention à vous. Mais ça va engendrer du coup des morts sur le thème de Noël et de la neige. Donc notamment un meurtre avec des décorations de sapin. Un étranglement de vieille avec une guirlande qui finit par une boule de Noël dans la bouche. Mmh. Moi, ça me fait un peu marrer. Le meurtre de Shannon Elizabeth qui déjà me fait me poser la question si Shannon Elizabeth a déjà joué autre chose que des chaudières. C'est une question valable. Parce que entre ça, Scary Movie, American Pie 1 et 2 et Night of the Demons dans l'épisode d'Halloween d'avant. Oui, c'est vrai que... Ça commence à faire. Ça commence à faire beaucoup. Après, quand t'as American Pie et Scary Movie dans un même CV... Tu sais globalement t'es pas là, t'es pas dans du Lubitsch, hein. Tu sais que t'es là pour. Tu sais que t'es là pour faire rire et si possible de la façon la plus en dessous de la ceinture possible. Voilà, d'ailleurs, on va faire un petit jeu de mots maintenant pour me mettre dans l'ambiance Jack Frost. C'est quoi la différence entre l'abominable homme des neiges et l'abominable femme des neiges? Je sais pas. Une abominable paire de couilles. Voilà, maintenant que vous êtes dans l'ambiance. C'est, je pense, la vanne qui résume le mieux le film, quoi. C'est... Maintenant que vous êtes dans l'ambiance Jack Frost, parlons du 2. Ah putain, alors, si le 1 est... Je pense que le 1 est vulgaire, le 2 est ordurier. Genre le 2 il est mal élevé. Le film, tu vois, le film, c'est genre ce cousin bizarre qui arrive à table, qui rote et qui pète, quoi. C'est vraiment, c'est ça, c'est Jack Frost. C'est l'oncle raciste. Non, le film n'est pas raciste. Non, juste, je le sais, mais... Il est juste vulgaire, ouais. Il est juste... Ah en fait, j'avais envie de gifler le réal, mais putain, connard. Enfin, désolé, il est sorti tout seul, mais ah, pas possible, pas possible. Mais donc, ça. À la fin de Jack Frost 1, on peut spoiler, on s'en fout. Oui, non. Oui, oh mon dieu. À la fin de mon Jack dieu, Frost il a gâché 1, la fin de Jack Frost 1. Ils réussissent à le tuer en faisant plonger Jack Frost dans de l'antigène. Mm-hmm. Voilà. C'est original, donc, comme fin. Et des scientifiques vont vouloir déterrer les bouteilles d'antigel pour faire des trucs de science avec. C'est jamais clair dans ce genre de film. Le fameux source t'inquiète. Mais cette fois, ça va se. Jack Frost va s'échapper à cause d'un café. À besoin de sortir, renverse un café. On se croirait dans un Brett Kelly, quoi, sans déconner. Non, on se croirait dans Avengers Endgame. J'ai pas. Ant-Man qui revient avec le rat. Oh oui, mon dieu, oui, effectivement, mais non, mais c'est pas possible, genre, j'ai vu des films de requins pourris, et ça pourrait venir de là, sans déconner. Genre. On a vu Ouija Shark, hein, tous les deux. Ouija Shark, j'ai vu Sharkula, qui était phénoménal. En fait, Jack Frost, je peux lui donner un truc, c'est comment visuellement, c'est pas, enfin, non, c'est moche, mais c'est pas aussi moche, que genre, mais il a ça, à ça d'être un film de requin nul. Je suis un peu attaché au costume un peu de Jack Frost. Déjà le fait qu'il tire c'est vraiment une fat suit, quoi. C'est... Ouais, c'est une fat suit, mais bah déjà il y a pas d'argent. Donc c'est au moins excusable. Et bah, ça a la volonté de rester un peu drôle, au moins là où les films de requin nul, c'est. Bah déjà c'est cynique. Oui, en fait, ça je peux le donner à Jack Frost. Moi je trouve que c'est un film catastrophique, mais ouais, le réal a l'air à peu près convaincu par ce qu'il a fait. Et d'ailleurs il veut faire un 3 depuis quelques dizaines d'années, ma foi, Dieu nous en garde. Mais effectivement, c'est pas cynique, et c'est, je vais pas dire que c'est vraiment honnête, mais à minima ça a à peu près conscience de ce que c'est. Mais donc dans le 2, et bah, Jack Frost s'évade, et le Noël suivant, le flic et sa femme vont vouloir se barrer loin de tout ça, loin de la neige, loin de tout. Ils vont du coup se prendre un petit voyage, je sais même plus si c'est précisé où, on va dire Antilles pour MP4. Mm-hmm. Et ils vont dans les Caraïbes. Oui, dans les Caraïbes, mais on sait pas exactement. Oui, globalement, c'est une île paradisiaque, mais globalement, tu devines que c'est vraiment juste, ils ont foutu des grandes toiles avec des dessins d'îles paradisiaques derrière, hein, ça va pas beaucoup plus loin. Ouais, c'est ça, c'est les Caraïbes, c'est une seule et même contrée, comme les Américains décrivent l'Afrique aussi, hein, l'Afrique est un seul pays, les Caraïbes ne sont qu'une île, après tout. Tout est interchangeable pour les Américains. Et donc, bah, Jack Frost va s'échapper et par un heureux hasard, se retrouver sur cette île. Ça, le monde est bien fait quand même. Sauf que Jack Frost a muté en Doomsday, visiblement, et est maintenant insensible à l'antigel. À l'antigel. C'est une connerie, mais c'est... Non, j'ai une anecdote marrante, le film est à 1 degré de la forme de l'eau. Il y a Doug Jones qui joue dedans, qui joue aussi dans la forme de l'eau. Il y a Doug Jones ? Ouais, il a un petit rôle dedans. Donc voilà, mais donc techniquement, ce film est à 1 degré d'un film qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Faites ce que vous voulez. Non, mais c'est pas possible. Jack Frost, ce n'est pas possible. En fait, je sais que je suis pas le plus gros, la personne la plus sensible à tout ce qui est comédie d'horreur. Ouais, je suis dur à faire rire, mon cœur de pierre. Mais voilà, c'est que ouais, j'aime beaucoup les films d'Edgar Wright, mais après ça, j'ai beaucoup de mal avec, en général, la comédie d'horreur. Et là, putain, mais c'est... En fait, c'est tellement con que le film devient presque énervant au bout d'un moment, parce que c'est juste... Genre, lorsque le bonhomme s'énerve face au... Enfin, lorsque le héros s'énerve face au vrai bonhomme de neige qui est face à lui, il se retourne, et il y a Jack Frost derrière, j'avais des vieux flashbacks des années 2000, genre, ça, c'est moi, vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé là, je fais, ah, pas possible. Non, mais éventuellement, les petites boules de neige, là, qui éclosent, et qui sont des mini bonhommes de neige. Ouais, l'espèce de gremlins de neige, là. Pas, mais vas-y, après, il est allergique à la banane, et il a une connexion avec mes couilles, donc voilà, ça fait banane, le tue, enfin... Ça, non, et en plus, il y a une scène post-crédit. Non, mais c'est. Ah, quel enfer. Quel cauchemar. Non, c'est une épreuve. Hein. C'est vraiment une épreuve. C'est, voilà, le calendrier de l'avant qu'on fait, on prend du plaisir à le faire, y a pas de souci. Jack Frost 1 et 2, c'est. Moi, c'était pas les pires que j'ai vu jusque-là, parce que je pense que un qui arrive dans très peu de temps, dans très très peu de temps, et possiblement le pire qu'on a vu jusque-là, je pense. Et il va probablement le rester, mais Jack Frost, il est juste derrière les deux, et je mets les deux vraiment, mais pareil, parce que en fait, le 1, je me dis pourquoi pas. Voilà, c'est très con, c'est une petite comédie d'horreur. Ok, vas-y. Vas-y, passe encore. Mais en fait, le 2 va tellement loin dans ce truc de conneries qui déteint sur le 1, et du coup, ça me repousse. La seule scène que je garde du 1 qui m'a fait rire, c'est quand le bonhomme de neige conduit et qui regarde la caméra. Enfin, je sais pas, il a un truc qui est vite fait drôle. Oui, alors le 2 a aussi cette originalité que Jack Frost, c'est un peu comme Chucky dans la série, il peut se décupler en plein de petites entités, Oui. notamment des glaçons. Oui, oh putain. Et il y a la scène sur le shooting de Charme. Vas-y, je te Je laisse vous raconter. disais beau fait gras. Ah, je te laisse raconter, je crevais hein, en y repensant. Voilà, alors pour vous remettre dans l'ambiance, c'est quoi la différence entre un bonhomme de neige et une bonne femme de neige? Les boules de neige, voilà, merci. Voilà, et voilà, Et c'est. Ouais, du coup, pour que la femme a un peu chaud, alors elle va se prendre un café latté et mettre plein de glaçons dedans. Et du coup, tous les glaçons vont être plus ou moins en contact avec elle, ils vont être contents. Et il y a cette scène où, vu que c'est un tournage de Charme, et ben il faut qu'elle ait les tétés qui pointent. Et pour ça, si vous avez vu Babylone, ce que fait Margot Robbie, voilà, donc elle va se mettre des glaçons dans le soutien-gorge. Et on a le tu. droit à tous les commentaires audio de Jack Frost. J'étais gêné, j'étais horriblement. Je me serais cru dans un Steven Seagal pendant 2 minutes, quoi. Ah. Moi, je me serais cru dans un. Merde, comment il s'appelle ce mec qui fait des séries B Winorski. Oui, oh oui, ça ou alors. Alors là, ça va être une référence un peu obscure. Russ Meyer. Ah, j'ai pas. Vous chercherez, faites-vous plaisir. Ne regardez pas ça dans les transports. Je conseille. Et éventuellement, si vous avez vu le film Pervers avec le pénis tueur, pour ainsi dire, qui était réalisé par Jonathan Yudis, ben voilà, le film est dédié à Russ Meyer. Voilà, je vous laisserai juste réfléchir qu'on parle d'un homme où le film dédié à sa. Sa vie, son œuvre, c'est un film avec une bite tueuse. Et ça, c'est beau. On a terminé sur Jack Frost. On va pas creuser plus loin non plus, hein. Yes! Plus jamais je n'aurai à parler de cette merde! Allez, on se retrouve demain.